Octobre est le mois des grands spéciaux chez Dolbeau Auto. Profitez du rabais de 20% sur les modèles 2018 en stock, que ce soit le Sierra 1500, le Canyon, le Silverado. Dolbeau Auto a tout ce qu'il vous faut. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau Mistassini. Numéro de téléphone 418-276-0580. Le propriétaire, M. Stéphane Fortin, vous invite à visiter notre page Facebook pour nos différents spéciaux. Et rappelle que l'achat local est vital pour notre économie. Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, M. Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. On va parler de hockey, on va parler avec notre ami Stéphane Lebeau. Salut Stéphane. Salut Danny. Stéphane, évidemment j'avais hâte de te parler parce que Jacques Demers, c'est pas mal la personne que je, une des personnes que je m'identifie le plus au monde parce que Jacques, j'ai même pas eu là, un dixième des difficultés qu'il y a eu. Par contre, j'ai eu des difficultés dans la vie puis Jacques, c'est un gars que vraiment j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour lui. C'est un gars généreux, c'est un gars que j'aime beaucoup. Puis la semaine passée, de le voir dans cet état-là, ça m'a vraiment fait de quoi. Je savais qu'il était d'un état lamentable, là, mais de le voir de même à la télévision, j'ai dit « Oh my God ». Puis, mais toi, tu as eu la chance de le voir, puis même de lui parler. Comment que c'est? Ben, comme tu le dis, Danny, c'est vraiment... très désolant, ça fait extrêmement de peine là, de voir notre coach Jacques Demers dans cette situation-là. Moi, c'était pas la première fois que je le voyais lors de la cérémonie commémorative du 25e anniversaire de la Coupe Stanley 93. C'est toujours un choc de le voir. Il est un peu prisonnier de son corps. On sait qu'il nous entend, on sait qu'il est pleinement conscient. Il est pas apte vraiment à bouger et puis à communiquer surtout. Donc, on lui parle. On lui transmet notre appréciation, notre amour envers lui. Il essaie de répondre à sa façon, mais on voit bien là, qu'il est prisonnier de son corps, donc c'est pas plaisant de le côtoyer ou de le voir dans cet état-là. Je peux dire que tous les joueurs qui étaient présents, là, on partageait là, cette peine-là de voir notre coach là, souffrir autant. Ça doit faire réfléchir, hein, Stéphane. Quand tu sors de là, c'est sûr que t'as pas la même âge que Jacques quand même, mais ça doit faire réfléchir. Tu dis, mon Dieu, que la santé, là, des fois, on se plaint le ventre plein. Hein. Ça doit se faire réfléchir. Ben, c'est des leçons de vie. Oui, ça fait réfléchir. On tombe souvent dans les fameux clichés, puis on dit des phrases souvent que la santé, c'est important. Mais maintenant, est-ce qu'on fait toujours tout ce qui est en notre moyen pour mettre les chances sur notre bord? Bon, on n'est jamais à l'abri de tragédies, de maladies qui vont nous frapper. Mais effectivement, là, Jacques, c'est un bel exemple comme d'autres qu'on peut avoir dans nos vies que la santé, sans la santé, c'est pas évident. Et puis, Jacques, au travers de ça, le démontre, comme il l'a fait toute sa vie, une force de caractère incroyable, une force, une volonté de vivre au travers de ça. Donc, il a été constant toute sa vie. C'est un battant, c'est un survivant. Et puis bon, maintenant, comme je dis, là, on s'attriste tous de le voir dans cet état-là. Mais Jacques continue à croire qu'il va être en mesure d'améliorer son sort. Puis évidemment, on le souhaite vraiment pas. Ben ça, il y a quelque part, quand t'es dans cet état-là, tu dois avoir un espoir. Faut que tu t'accroches à quelque chose. Là. Sinon, ça vaut plus rien. Là. Mais tu sais, ça vaut plus rien, j'imagine. C'est pour ça que Jacques est croyant. Je sais qu'il est très, très croyant. Fait que, puis moi, je me disais à l'époque, un peu de misère encore avec ça aujourd'hui. Là, on devrait, il y a quelqu'un sur les médias sociaux là, qui disait, un cas comme Jacques Demers devrait faire en sorte que la dignité de l'aide à mourir. Puis des fois, je me pose la question si oui. Mais c'est sûr que quand t'es croyant, c'est une autre histoire. Là. En tout cas, bref. Stéphane, Cas par cas, mais faut souhaiter que Jacques trouve une façon d'être encore heureux dans cette vie-là et trouver une façon là, de vivre sa vie le mieux possible. Stéphane, comment c'était la fête? Écoute, moi, je te dirais que il a manqué quelque chose. C'est sûr, il manquait Patrick Arroy. Patrick, écoute, c'est lui en 93, la Coupe Stanley. C'est lui et Jacques Demers, c'est également John Leclerc. Il me semble que sans Patrick, il manquait un gros quelque chose. Ben écoute, Danny, la Coupe 93, c'est plus que Patrick Arroy et plus que Jacques Demers. Ouais. faut faire attention. Oui, c'est sûr. Oui, Patrick a été le gagnant du trophée Conn Smythe, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis tous les joueurs vont le reconnaître que on a une belle de la Coupe Stanley beaucoup à cause de Patrick Roy. Mais Patrick Roy avait une bonne équipe devant lui. Mais de toute évidence, lorsqu'on fait des retrouvailles comme ça, c'est difficile d'avoir tout le monde en même temps. Oui, c'est un gros morceau. On aurait aimé ça que tous les personnes, les joueurs, le personnel soient tous présents. Malheureusement, là, c'est pas toujours facile. Surtout que cette soirée-là a été planifiée non pas à la dernière minute, mais quand même assez tardivement. Donc, Patrick, on le sait, là, il y avait un match d'impliqué. Puis, honnêtement, les joueurs qui on savait là, que Patrick aurait aimé ça être avec nous. Mais on connaît très bien Patrick pour savoir qu'il n'était pas pour laisser son équipe de hockey. Ça aurait été peut-être pas un beau message à envoyer à son équipe. Il aurait fallu peut-être que la Ligue de hockey junior majeur du Québec déplace ce match-là. Mm. Mais ça a été quand même une très belle soirée. Le Canadien a démontré beaucoup de classe. Danny nous a bien reçus. J'ai trouvé que la présentation dans les estrades a été bien faite. Et c'était surtout l'occasion pour nous de se retrouver puis de se remémorer les beaux souvenirs puis de se mettre à jour là, sur qu'est-ce qu'on est devenu parce qu'on se perd de vue. Ben ouais. Et puis autant les joueurs que les femmes, là, c'était le fun d'être dans la loge et puis d'avoir la chance de se raconter un peu nos vies. OK. Steph, je veux te parler du Canadien. C'est surprenant, hein? C'est sûr que, écoute, il ne faut pas partir en pas. Ils ont deux victoires contre les Penguins de Pittsburgh. Les Penguins de Pittsburgh connaissent un début de saison difficile. Hier, ils ont perdu encore contre les Canucks de Vancouver. Le Canadien, c'est pas contre des équipes comme Pittsburgh, comme Détroit, qui vont avoir de la misère. C'est contre des équipes qui vont être lourdes, de l'Ouest, exemple. Et c'est là qu'il va falloir vraiment... On va savoir où va le Canadien. Mais par contre, c'est encourageant pareil. Mais on peut dire que c'est un A+ comme début de saison. C'est important pour le Canadien là, d'envoyer un signal positif à ses partisans après la saison de misère qu'ils ont connue l'année passée. Évidemment, là, oui, il y a les résultats, 7 points en 10 matchs, puis au-delà des attentes, mais il y a surtout la forme d'Ani. Je trouve que le Canadien, on a décidé de faire un changement. Et c'est facile de parler, mais je trouve que le Canadien fait vraiment un effort, ou ils ont fait un effort pour changer cette culture-là. Mmh. On a parlé de changement d'attitude. On a mis en doute un petit peu là, les capacités de Claude Julien de s'ajuster au niveau hockey. Bon, on a mis Charme et Joël Bouchard dans l'organisation. Ça amène un vent de fraîcheur. Et on voit sur la glace une équipe beaucoup plus combative, beaucoup plus énergique. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va être capable de maintenir la cadence pendant toute la saison? Pour moi, c'est le test. J'en doute. Je pense qu'on manque encore beaucoup de profondeur. De profondeur. Mais si au moins on va jouer de cette façon-là avec l'énergie du désespoir, bien au moins on va se donner une chance de gagner. Et puis, comme je dis, c'est de bonne augure, mais moi, je pense que c'est trop tôt là pour ouvrir la bouteille de champagne puis célébrer pour dire, bon, le Canadien va faire les séries. Mais je suis de ceux qui pensaient que le Canadien était pour connaître un début de saison beaucoup plus difficile. Et je me réjouis que bottines suivent les babines dans le sens que le Canadien, au moins, on fait un effort pour changer notre identité. Mmh. Et maintenant, il faut être encore patient, mais on peut être un petit peu encouragé en ce début de saison. Ah, c'est clair qu'il faut. Au moins, c'est un petit peu plus encourageant que l'année passée. L'année passée, on était éliminé le 15 novembre. Tu te rappelles de ça? Fait que... Oui, tout à fait. Donc, maintenant, là, avec ce début de saison-là, non seulement ça donne un peu d'espoir aux partisans, mais ça donne aussi une confiance dans le vestiaire là, que dit, bon, tout le monde nous croyait mort, mais on est capable de compétitionner dans cette ligue-là. Et avec cette confiance-là, avec le retour de Shea Weber, ben, je pense que dans le vestiaire du Canadien, présentement, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Kotkaniemi, qu'est-ce qui va arriver avec, d'après toi? Moi, j'ai l'impression qu'on va le faire jouer un an. Il va jouer comme ça, puis de temps en temps, on va le monter. Ça ressemble pas mal à ça, hein? Ben oui, c'est un début de saison pour lui. Dans un, il faut comprendre que le Canadien, dans la situation qu'il se retrouve, devait faire une place à des espoirs. Et puis, Kotkaniemi a fait assez bien dans le camp pour mériter son poste. Maintenant, c'en est un autre, un peu à l'image du Canadien, doit démontrer qu'il est capable de maintenir la cadence, de soutenir le jeu de la Ligue nationale sur une longue période de temps. Il est en apprentissage. Moi, je vois que c'est un bon joueur de hockey, un bon passeur. Maintenant, comme je dis, au niveau de la vitesse, d'exécution, au niveau du jeu physique, puis au niveau de la production, parce que c'est un joueur qui est appelé à jouer dans un rôle offensif. Donc, est-ce qu'il va être en mesure de produire? Moi, je pense qu'on va l'évaluer au fur et à mesure que la saison avance. Mais jusqu'à présent, je pense qu'il faut être patient avec lui, puis pas avoir trop d'attentes. Je ne pense pas que c'est un Connor McDavid, c'est pas un Sidney Crosby. Mais il faut être patient pour qu'il se développe de la bonne façon, et surtout là, qu'il ne perde pas confiance en ses moyens en ayant là, un mauvais début de saison ou un mauvais début de carrière. OK. Moi, je vais te parler en terminant de Joël Bouchard. Joël Bouchard, hier, a fait toute une sortie hier contre ses joueurs. J'ai aimé ça. C'était pas la langue de bois. C'était pas la langue de bois. Non, mais écoute... On parle de changement de culture. Joël a eu du succès dans le junior majeur parce qu'il était un entraîneur exigeant, décisionnel, n'acceptait pas la demi-mesure pour aucun de ses joueurs, peu importe son statut. Et là, il débute une nouvelle expérience dans la ligne américaine. Il veut afficher ses couleurs. Il veut pas que ses joueurs baissent les bras une fraction de seconde. Donc, il s'impose. Il s'impose de la bonne façon. Jusqu'à présent, quand je le vois aller, quand je l'écoute parler dans ses commentaires, dans les différents médias, j'ai eu la chance de faire, Danny, un match comme analyste à la radio le week-end passé. Okay. Et puis, après le match, je trouve vraiment qu'il a le bon ton de voix et une bonne vision pour développer ces joueurs-là. Mmh. Il est extrêmement exigeant. Il sait ce que ça prend pour jouer en haut. Il le dit, si mes joueurs sont dans la ligne américaine, c'est parce qu'il leur manque quelque chose pour jouer en haut. Puis c'est à moi de les amener vers le haut, de leur faire prendre conscience sur quoi qu'ils doivent travailler. Et l'éthique de travail, s'engager en tout temps, jouer le hockey de la Ligue nationale, il faut que ça se fasse à tous les jours. Et puis qu'il fasse ça hier, je pense que c'était une façon pour lui, dès le début de la saison, d'écouter les boys, on niaisera pas ici à Laval. Si vous voulez pas faire les choses à fond, si vous voulez faire les choses à moitié, vous allez avoir à payer le prix. Et le message qu'il a lancé hier à ses joueurs, c'était assez net, comme quoi que les demi-mesures, ça ne sera pas accepté à Laval. Effectivement, puis je pense que ça va aider. Puis moi, je l'ai dit, il n'a pas fait de grosses... Marc Bergevin n'a pas fait de gros échanges, mais la grosse échange, la grosse acquisition, c'est Joël Bouchard. Là. Moi, je pense que ça va changer. Le développement, écoute, on en a parlé souvent par les années passées, mais je pense que ça va changer. Surtout que les deux derniers repêchages sont excellents, selon tout ce qu'on lit. Il reste maintenant à les développer, puis je pense que les joueurs du Canadien à Laval sont en de bonnes mains pour le développement. Là. En tout cas, fallait changer. Ouais. Ouais, ben, fallait changer la recette. On s'entend, Daniel, à un moment donné, quand la recette n'est pas bonne, il faut avoir le courage de la changer. Et là, on veut la changer. Et le chef dans la Ligue américaine, Joël Bouchard, on connaît ses couleurs. Il va rester fidèle à lui-même parce qu'il croit vraiment à ses convictions. Mmh. Et je pense aussi que c'est la bonne façon de faire. Il faut maintenant lui donner les éléments nécessaires. Mais au moins, on va développer une culture de gagnant, une culture de joueurs qui s'investissent à fond. Ouais. Et c'est un début. À cette heure, si on est capable de maintenir cette culture-là en ayant des joueurs un petit peu plus talentueux avec un peu plus de profondeur, mais c'est là qu'on va peut-être voir le Canadien des beaux jours, une organisation là, qui va pouvoir espérer remonter à la surface de la Ligue nationale éventuellement. Steph, on s'en reparle dans une couple de semaines. Ben, merci, Danny. Notre collaborateur Stéphane Lebois.